Je ne peux pas poursuivre un homme. Je le liquide, liquide, je le liquide, liquide. Je ne veux pas du minimum. Pas de 50-50, pas de 50-50. Je ne peux pas poursuivre un homme. Ne me parle pas de love, je suis pas comme les autres. Je ne veux pas le minimum. Pas de 50-50, pas de 50-50. Tu es pour le pire et je réponds pas, t'es dans la tourmente. Je te skip en quelques secondes si t'es trop collant. Je les gifle en rentrant, bordel, je suis insolente. Si j'y gagne rien, je peux pas vraiment savourer le moment. Je mets des chouchous autour de mes billets pour en faire des liasses. Je te laisse aboyer, je fais des donuts dans la classe. Ah, je te repère et mes yeux, t'es perdu au fin fond de la boîte. Si jamais un jour je te cours après, c'est pour t'abattre. Je ne peux pas poursuivre un homme. Je le liquide, liquide, je le liquide, liquide. Je ne veux pas du minimum. Pas de 50-50, pas de 50-50. Je ne peux pas poursuivre un homme. Ne me parle pas de love, je suis pas comme les autres. Je ne veux pas le minimum. Pas de 50-50, pas de 50-50. Je ne veux pas poursuivre une cochonne. Elle est vraiment têtue. Je ne veux pas qu'on se prenne la tête. Je lui fais virement tout de suite. Des fois quand je suis posé calmement, je fume ma fusée. Elle me fait ses crises, elle veut que j'aille jusqu'à Bruxelles. Comment peut-elle oser? Ça c'est l'excès. Deux, trois Louis Vuitton, elle m'a pris pour une pucelle. Elle est folle, elle veut prendre mon téléphone. Elle veut prendre mon bénéfice, girl, veut vider mes poches. Elle est folle, elle veut prendre mon téléphone. Elle veut prendre mon bénéfice, girl, veut vider mes poches. Je ne peux pas poursuivre un homme. Je le liquide, liquide, je le liquide, liquide. Je ne veux pas du minimum. Pas de 50-50, pas de 50-50. Je ne peux pas poursuivre un homme. Je ne parle pas de love, je suis pas comme les autres. Je ne veux pas du minimum. Pas de 50-50, pas de 50-50. 50-50, pas de 50-50. Pas de place pour être à deux quand on se sent bien seul. J'ai de la place pour être à deux mais je me sens bien seul. J'ai le... Elle est folle, elle veut prendre mon téléphone. Elle veut prendre mon bénéfice, car elle veut vider mes poches. Elle est folle, elle veut prendre mon téléphone. Elle veut prendre mon bénéfice, car elle veut vider mes poches.